parfois les clichés ont raison et constituent d'excellents moyens d'apprivoiser l'inconnu. Par exemple, difficile de parler de spiritualité indienne sans immédiatement imaginer un homme assis en position du lotus, en train de méditer avec derrière lui le dessin du dieu Krishna en train de jouer de la flûte ou de conduire un char. Ces images sont réductrices, mais elles sont justes. Si juste que l'un des textes incontournables et fondateurs de la pensée indienne, la Bhagavad Gita, qui nous occupe cette semaine, peut être lu comme l'hymne au yoga. Et c'est par le yoga d'ailleurs que mon invité s'est initié au sanskrit, à la philosophie et à la lecture de ces textes de métaphysique indienne. Alors qu'est-ce que le yoga? Et en quoi est-il indissociable d'une approche théorique? Une seule manière de le savoir, ouvrons la porte et pénétrons dans la salle de cours. Avec le maximum de sérénité, passons de la pose du lotus au geste hiératique de Shiva, le dieu de la danse, afin de développer notre équilibre métabolique. Une inspiration, une expiration. Est-ce que je peux voir Joe Samington? Attendez que la classe de yoga soit terminée. C'est que j'ai autre chose Tant à faire. Tant pis, vous devez faire comme les autres ont partir, c'est clair. Mais je ne connais rien à votre yoga. Vous n'êtes pas le seul. Excusez-moi, Jeune homme, vous êtes en train de causer des remous à la surface de notre lac de joie et de sérénité. Bien, je n'ai pas voulu faire de vagues, je regrette de vous déranger, mais je cherche quelqu'un. Nous cherchons tous quelqu'un en ce bas monde. Nous cherchons tous à communiquer à travers les limites spirituelles de notre solitude. Et ce qui nous intéresse, ce sont les moyens d'atteindre cette communication. Et il faudra vous plier aux exigences de notre discipline, ou alors déguerpir. L'épine dorsale, je vous prie. Restez immobile et méditez. Bonjour Colette Poggi. Bonjour Dranel Fabrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci beaucoup. Peut-être aurez-vous reconnu un extrait, on a dit qu'on partait des clichés, du film « Trois gars, deux filles et un trésor ». C'est un film de John Rich qui date de 1967. Vous aurez peut-être reconnu la voix française d'Elvis Presley d'ailleurs, qui joue dans ce film. Et c'est intéressant parce qu'on commence avec un cours de yoga et je disais, est-ce vrai, Colette Poggi, que vous avez découvert le texte dont nous parlons cette semaine? Tout a commencé pour vous au cours d'un cours de yoga. Tout à fait, c'était à l'époque du bac, donc j'avais rencontré par l'intermédiaire d'une amie un professeur qui arrivait de l'Inde et qui de Madras avec une technique tout à fait traditionnelle et j'ai eu envie de découvrir cette pratique parce que tout juste avant j'avais lu un livre qui s'appelait « La connaissance de soi » de Marie-Madeleine Davy. Et il est vrai que dès le premier cours, quand le professeur m'a demandé « Mais pourquoi pratiquez-vous cela? Pourquoi avez-vous envie de tenter cette aventure ?» J'ai eu l'intuition que cela m'amènerait à de grandes rencontres et à de grandes découvertes. Et peut-être que la première découverte, c'était moi-même. Donc on s'allonge, tout simplement, on respire et on découvre à la fin d'un cours extrêmement simple, qui est le premier cours, que on n'est pas tout à fait pareil après qu'avant. Et ce professeur avait noté des postures en sanskrit, m'avait conseillé quelques ouvrages. Et il est vrai que très rapidement, j'ai eu le sentiment intuitif, certainement, mais qui s'est avéré plus tard, authentique et fécond, que dans ces textes, on pouvait découvrir vraiment un chemin de découverte de soi-même, mais absolument pas narcissique ni égocentré, mais bien au contraire, j'ai eu le sentiment qu'en arrivant à ce centre intime et profond, bon, était-ce vrai ou pas, je ne sais pas, eh bien, on s'ouvrait davantage. Donc, j'ai compris que être centré, ça voulait dire aussi s'ouvrir. Et donc, établir une relation plus authentique, plus souple, plus fluide, plus spontanée avec le monde, avec autrui, aussi avec moi-même, évidemment, mais avec des champs de connaissances fabuleux. Et j'ai très vite compris que assez peu de textes étaient traduits. Il y avait évidemment quelques textes phares que l'on connaît, comme la Bhagavad Gita, et d'autres en yoga ou dans le tantra. Mais hélas, on rencontre très souvent des citations qui nous transportent. Hein, et on se dit, mais de quel texte est-ce issu? Et je vais plonger dans ces textes, ce que j'ai essayé de faire, évidemment, le plus souvent possible. Mais très souvent, surtout dans le domaine du yoga, on découvre que certains manuscrits ont été altérés parce qu'ils sont en écorce de bouleau, en feuilles de palmier. Et donc, on est un peu frustré. Mais ce que j'ai... D'emblée, hein, dès la faculté, je me suis consacrée au sanskrit et j'ai tout de suite voulu plonger dans des textes justement inaccessibles aujourd'hui, oui, hein, et qui parlaient du yoga, effectivement, mais pas seulement, qui parlaient surtout de la philosophie du yoga, parce que ce qui est vraiment fondamental, c'est de prendre conscience que pour pratiquer, il faut comprendre. C'est ça, les deux sont indissociables. Voilà. D'ailleurs, disons-le, d'où vient le mot yoga, du sanskrit yuj, qui veut dire... Alors, joindre, relier, mais je voulais ajouter simplement qu'il faut comprendre pour pratiquer, mais pour bien comprendre... Oh, pardon, je me suis embrouillée. Pour bien comprendre, il faut pratiquer, et pour pratiquer, il faut comprendre. Hein. Oui, c'est ça. Donc, il y a les deux éléments. Mais d'où, oui, voilà. C'est ça. Et donc, par exemple, en effet... Cela consiste à joindre, relier, yuj, hein, veut dire cela. Mais yuj a toute une histoire, hein, dans l'histoire des idées qui est tout à fait passionnante en Inde, parce qu'il y a un champ lexical et sémantique qui nous déconcerte. Hein. Par exemple, pour conscience, il y a des dizaines de mots, pour corps aussi. Bon, revenons à yuj. Eh bien, dès le Veda, donc les premiers textes qui datent à peu près du deuxième millénaire avant notre ère, pour faire un rituel, un sacrifice, on emploie ce terme également. Donc, pour dire concentrer son esprit, alors, c'est vrai que l'idée de concentrer implique pour nous occidentaux un effort. Hein. Oui. Mais on veut dire centrer parce qu'il est dispersé. Voilà. Donc, centrer son esprit, fixer son attention sur, c'est ça, c'est se relier, c'est aussi yuj. Mm-hmm. Donc, on voit d'emblée que yoga a un sens beaucoup plus vaste que cet exercice très cocasse que votre extrait de film a montré. Mais malheureusement, ça existe aussi. Hein. Ah bah, puis de plus en plus. Voilà. Yuj, c'est yukti aussi, la pertinence, la justesse. Hein. Yukta, être relié, c'est vraiment l'image aussi fondamentale et symbolique en Inde, ô combien, qu'on retrouve dans la Gita avec la roue, justement, de cet espace, ça peut être une sphère, hein, ou une roue, mais qui doit être bien centrée et dans laquelle, donc dans la roue, les rayons sont reliés au centre. Et ça, à mon avis, s'il y avait une image, un symbole suggestif, vraiment, parmi tous, ce serait celui-là, car il s'agit à la fois de se centrer, de se relier, yuj, à son espace, parce qu'espace est vraiment un mot central aussi, et de ne pas oublier, évidemment, la circonférence et les rayons. Voilà, c'est ça. Et cette image-là, d'ailleurs, on la retrouve tout au long du texte, la Bhagavad Gita. Disons-le précisément, je disais que ce texte pouvait être lu comme un hymne au yoga. En fait, le terme yoga, on le retrouve beaucoup, et appliqué à des situations différentes. Il faut bien voir que dans le texte, on nous présente trois modes d'accès, trois modes de libération, et qui sont trois modes d'accès à la réalité suprême. Il y a le mode d'accès par l'action désintéressée, c'est ce qu'on a vu lundi, c'est ce qu'on appelle karma yoga. Le mode d'accès à cette réalité par la dévotion aimante, c'est le bhakti yoga, c'est ce qu'on a vu hier. Et aujourd'hui, on va voir ce mode d'accès à la réalité par la connaissance métaphysique. Et ça, c'est quel type de yoga? Alors, c'est jnana, c'est-à-dire la connaissance. Mais ce qu'il faut bien voir également, c'est que... C'est la connaissance, pardon. Oui, ça veut dire tout de suite la connaissance par ce qu'on appelle nous le yoga, enfin la voie d'accès par le yoga, c'est par la connaissance, pas par le corps. Par la connaissance, mais cette connaissance inclut, parce qu'on est dans un autre domaine, évidemment, on est en Inde, on n'a pas références hein, qu'en Occident, et donc la connaissance n'exclut pas le corps, mais elle intègre. On est là dans un mode de pensée, d'expérience surtout, qui est intégratif, inclusif. Et il faut bien se souvenir que les théories du yoga, les textes, etc., les multiples textes dont on dispose aujourd'hui, ne sont pas sortis de la plume ou de l'esprit d'un intellectuel, entre guillemets, mais ils ne sont que, faut dire, les gouttes de rosée hein, qui ont émergé, qui se sont manifestées après de longues nuits, justement, d'expérience. Ce sont des éclairs d'intuition, des fulgurations, que certains yogins, certains maîtres ont consenti, je dirais, parce que ça, ils auraient pu s'en passer. Hein, ils auraient pu vivre pour eux cette expérience sans jamais dire quoi que ce soit. Mais sous l'incitation de disciples, par exemple, hein, puisque tout se passe dans cette, ce qu'on appelle parampara, c'est-à-dire cette transmission de l'un à l'autre. Para, ça veut dire l'autre. Hein. Donc parampara, c'est comme une cascade, en fait, vous voyez, une source qui devient rivière, etc. Ça crée des lignées, des courants de transmission. Et si l'on imagine, par exemple, un yogin qui a eu vraiment une expérience décisive, hein, qui, où il sent qu'il a compris quelque chose par rapport à ceux qui l'ont enseigné, eh bien, justement, par générosité, hein, il ne peut que la transmettre. Et donc parfois, c'est simplement, on le dit en Inde très souvent, de cœur à cœur et de souffle à souffle, hein, dans la posture ou simplement dans une transmission contagieuse, hein, de personne à personne, soit dans des textes. Et parfois, ces textes, évidemment, et même très souvent, sont commentés. Les commentaires sont commentés à leur tour. Et l'on a ainsi des océans de textes. Par exemple, pour la Bhagavad Gita, Abhinavagupta, au 10e, 11e siècle au Cachemire, a commenté, hein, l'a commenté et a apporté une vision tout à fait, comment dire, novatrice, parce que dans son univers spirituel, religieux, etc., qui est le tantra, il n'y a pas de dépréciation du corps, il n'y a pas de dépréciation des expériences sensorielles, hein, il n'y a pas de rejet du monde comme étant illusoire. Le seul problème, parce qu'il y en a quand même un, puisque nous ne sommes pas omniscients, c'est que notre approche, notre regard sur le monde et sur la vie, et sur l'esprit aussi, n'est pas juste. Il est comme, cette perception est comme troublée, altérée par un sens du moi, donc d'ego, un individualisme exacerbé, qui est naturel finalement à l'homme. Et c'est en fait ce regard qu'il faut transformer. Alors on va voir comment le texte qui nous occupe cette semaine véhicule et exprime ce que vous venez de dire, Colette Poggi. On va retrouver Arjuna sur son champ de bataille. Hein, je le rappelle, c'est comme ça que s'ouvre la Bhagavad Gita. Arjuna est un guerrier qui doit combattre contre, enfin qui doit combattre ses cousins, donc sa famille. Et il se rend compte que le conducteur de son char n'est autre que le dieu Krishna qui, au long du texte, à travers 18 chants, va le conseiller et lui indiquer comment agir et comment justement retourner en lui-même pour mieux retrouver le monde. Et au chant 13, que vous allez entendre, lu par Bernard Gabay, on a ce texte magnifique qui montre bien, comme vous l'avez dit, que le yoga est une connaissance, mais une connaissance de quoi et par quoi. Écoutez. Connaître et le corps et son connaisseur, c'est là pour moi la connaissance. Et ce corps, champ de la connaissance, ce qu'il est, ce à quoi il ressemble, ce qu'il devient et d'où il vient, et qui il est, et ce qu'est sa présence, apprends-le en quelques mots de ma bouche. Les éléments premiers, la personnalité, la conscience et bien sûr le non manifesté, ce par quoi l'on perçoit et par quoi l'on agit, la pensée, les cinq objets des sens, attraction, répulsion, plaisir et déplaisir, la totalité physique, la sensibilité et ce qui soutient l'être, c'est bien ce que l'on nomme en quelques mots « champ de la connaissance en ses modalités ». Ne pas avoir d'orgueil, être toute franchise, s'abstenir de violence, être stoïque et droit, être à l'écoute de ses maîtres, être transparent, ferme, dépouillé de soi-même, n'avoir plus de passion pour les objets des sens, ne plus être quelqu'un, faire un objet d'observation de tout ce qui afflige naissance, mort, vieillesse, maladie et souffrance, ne pas avoir d'attachement, ne pas avoir de lien avec femme, enfant ou maison, garder sans cesse égalité d'esprit envers ce qui survient, désiré ou non, trouver en moi, par le détachement, un partage sans faille, fréquenter les lieux solitaires, ne pas tirer plaisir du commerce des êtres, avoir en permanence l'intuition de ce qu'est l'âme incarnée, savoir qu'observer les choses, c'est connaître la réalité, tout cela est la connaissance. Et tout le reste n'est assurément qu'ignorance. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Quel programme, Colette Poggi, qui vient de nous être énoncé. Alors, Krishna, le dieu Krishna, fait plonger Arjuna dans son être, dans son champ intérieur, et on voit ici que le corps est un véhicule qui permet d'accéder à la conscience en se recentrant, et nous est donné une définition de la connaissance parmi la liste longue des choses qui appartiennent à la connaissance. Je retiens notamment cette phrase « ne plus être quelqu'un ». Pour connaître, il faut renoncer à être quelqu'un. Alors, parce que c'est un peu effrayant. Non, c'est vraiment réjouissant. Ah d'accord. Alors expliquez-nous. En fait, c'est vraiment réjouissant parce que ce à quoi nous invite cette traversée avec Arjuna et Krishna, en fait, c'est une traversée de nous-mêmes. Hein. Il faut lire ce texte. Évidemment, on peut le lire de façon littérale, mais aussi comme une sorte de résonance qui parle aujourd'hui. Évidemment, l'archétype du yogi, on ne veut peut-être pas l'assumer nous-mêmes. Hein. On ne va pas être comme le texte nous raconte que le yogi. Mais c'est réjouissant parce que il y a plusieurs niveaux d'être en réalité. C'est un petit peu comme un oignon ou des poupées russes emboîtées. Il y a un terme technique très employé en Inde dans les textes. Kanchuka, c'est la cuirasse. Notre cuirasse extérieure, notre carapace, qui s'est forgée, qui est artificielle, grâce ou à cause de notre éducation, nos gènes, ce qu'on appelle les imprégnations immémoriales, nos mémoires oubliées, l'inconscient finalement, et puis notre éducation, notre culture, etc. Et donc ça c'est le moi qui veut agir, qui veut s'approprier des choses. Et d'ailleurs, il y a cette idée de le moi propre, d'appropriation de soi-même. Mmh. Il y a dans une philosophie vraiment ancienne aussi cette idée de soi impersonnel et universel, donc c'est ne plus être. Donc on distingue le moi du soi. Absolument. Le soi, c'est, on pourrait dire, c'est la limpidité de la lumière. Hein. Et le moi, ce serait le photophore qui emprisonne la flamme de la bougie. Alors, dans la Bhagavad Gita et surtout dans ses commentaires, j'ai eu la joie de traduire par exemple par Abhinavagupta, mais on le sent là déjà, il y a la personne. Hein. On sait que persona, ça veut dire le masque. Hein, ouais. Voilà. Et donc là, il y a une instance intermédiaire, je pense, qui est celle du yogin, surtout dans ce courant de la bhakti, de la dévotion, de la participation, etc. C'est le « je suis ». Voilà, ce sentiment de l'être, du « je suis », mais qui n'est pas un « je suis quelque chose », et qui n'a pas d'avoir. Hein. Il n'a pas un corps, il est, il ne fait pas une posture, il devient un avec. C'est cette idée d'une sorte d'espace entre le moi qui veut paraître et le soi qui est universel et qui n'a pas d'individualité, si l'on veut. Ce « je suis » est l'expression originale de l'être, comme si une lumière passait à travers un vitrail. Il y a encore cette luminosité, mais à peine la couleur. Il n'y a pas l'obstacle. Donc c'est comme si je renouais avec une sorte d'existence pure, comme un brin d'herbe, voilà, en fait. Mais qui est unique, parce que il n'y a pas deux Adèle Van Rett. Et donc, ça, je vous le confirme, oui. Dommage. Bah non, vous avez dit que c'était réjouissant alors. Non, c'est réjouissant parce qu'en fait, cet état, on le connaît, disent les textes, par exemple, dans un émerveillement absolu. Mais alors voilà, c'est ça qui est difficile à comprendre. Pourquoi se défaire de ce qui nous constitue est-il un émerveillement? Parce que reste-t-il comme capacité d'émerveillement si l'on renonce à son individualité? Non, justement, ce n'est pas le brin moi, d'herbe ne s'émerveille pas. Voilà, le moi emprisonne cela, mais il y a une sorte de diffusion spontanée de cet être que je suis, du je suis, dans des circonstances, par exemple, particulières, comme par exemple dans un concert où je suis complètement... Je ne suis plus moi-même, on peut dire ça. Hein. Il y a des barrières qui tombent, on ne veut plus paraître. Il n'y a plus rien de cela. On se laisse simplement traverser, alors si l'on est dans le contexte yogique, on va dire, par le souffle cosmique, hein, par quelque chose qui résonne en nous, mais qui ne nous emprisonne pas. Voilà, il n'y a pas de « je veux », il n'y a pas de « je dois », ouais. Il y a un retour à un état vraiment, on pourrait dire, spontané. Et pourquoi un retour? Parce que c'est là d'où nous venons? Parce que dans cette image justement des sphères, on va dire concentriques ou des cercles, eh bien, il y a le centre, le point qui est sans dimension, qui serait le soi, hein, et qui n'est autre que l'absolu. Et il y a le moi donc qui emprisonne, qui serait la circonférence. Mais parfois, la circonférence peut être fluide. Hein. Mmh. Et il y a cet entre-deux, qui est un terme très important, antara, qui veut dire à la fois intérieur et entre-deux, qui a donné inter, entre, en français, hein, à travers le latin, et qui est, on pourrait dire, cette asana. Hein, asana, parce que asana, ce mot vient du verbe as, être, as, être en train de, et qui signifie attitude intérieure. Il y a cette manière d'être fluide, naturelle, qui est reliée à une certaine pulsation de vie, toujours renouvelée, hein, et qui n'est pas celle du moi, où, par exemple, on veut paraître et donc on a peur. Tout à l'heure, en attendant, je croisais dans cette merveilleuse maison de la radio et de la musique un concertiste, hein, bon, parce qu'il avait un instrument sur le dos, et je me disais, mais c'est tout à fait ça le yoga, la vraie posture du yoga. C'est-à-dire que s'il est vraiment, s'il veut faire ses preuves, s'il y a trop de vouloir être, eh bien, à mon avis, il va louper quelques notes, ou du moins, il ne pourra pas laisser transparaître cette musicalité qu'il a en lui, hein, et qui va être retenue prisonnière. Mais s'il y va avec, en se disant, je vais faire de mon mieux, et c'est bien ça l'enseignement de la Bhagavad Gita, je vais faire de mon mieux, je vais me laisser porter par la vie avec un grand V, eh bien là, il est dans le « je suis », il n'est pas dans le « moi ». Et le verset auquel je fais référence, c'est le verset 2,47, qui dit « le yoga, yoga-ha, Karmasu kaushalam. Karmasu, c'est karma, c'est dans les actes. Hein. Kr, c'est la même racine que créer. Et kaushalam, ça veut dire à la fois l'adresse, l'habileté, l'excellence, et aussi de là la prospérité, la réussite. C'est-à-dire que c'est là que tout l'enseignement du yoga nous emmène, qu'il soit dévotionnel, c'est-à-dire le sens de la participation d'amour dynamique, hein, parce qu'il y a un ti à la fin de bhakti, hein, soit par l'acte, que ce soit la posture, mais ça peut être aussi le service à l'humanité, comme dit Gandhi. Gandhi a commenté la Bhagavad Gita également, et il dit bien, pour moi, cet enseignement signifie qu'il n'y a pas de plus grande réalisation que de servir l'humanité. Donc on peut voir cet acte, cet yoga de l'acte, comme le yoga de la connaissance, qui sont comme les deux ailes d'un oiseau. Hein. On ne peut pas différencier l'action de la connaissance, parce que pour agir, il faut connaître, et pour connaître, il faut agir. Voilà. Donc c'est cet élan auquel invite la Gita. Eh bien, cet élan semble très proche d'un auteur qui est pourtant bien différent de ce texte de la Bhagavad Gita que l'on trouve au 3e siècle après Jésus-Christ. Il s'appelle Plotin et voici ce qu'il écrit dans les Énéades. Rentre en toi-même et examine-toi. Si tu n'y trouves pas encore la beauté, fais comme l'artiste qui retranche, enlève, polie, épure, jusqu'à ce qu'il ait orné sa statue de tous les traits de la beauté. Retranche ainsi de ton âme tout ce qui est superflu. Redresse ce qui n'est point droit. Purifie et illumine ce qui est ténébreux. Et ne cesse pas de perfectionner ta statue jusqu'à ce que la vertu brille à tes yeux de sa divine lumière, jusqu'à ce que tu vois la tempérance assise en ton sein, dans sa sainte pureté. Quand tu auras acquis cette perfection, que tu la verras en toi, que tu habiteras pur avec toi-même, que tu ne rencontreras plus en toi aucun obstacle qui t'empêche d'être un, que rien d'étranger n'altérera plus par son mélange la simplicité de ton essence intime, que tu ne seras plus dans ton être tout entier qu'une lumière véritable, quand tu seras devenu tel, alors, puisque tu es la vue même, aie confiance en toi, parce que tu n'as plus besoin de guide. Regarde attentivement, car ce n'est que par l'œil qui s'ouvre alors en toi que tu peux apercevoir la beauté suprême. Alors, Plotin n'est pas connu pour sa réalisation des postures de yoga, Colette Poggi. Je ne sais pas comment il faisait les salutations au soleil, mais en tout cas, ce qu'il dit dans ce texte est troublant de ressemblance avec ce que vous venez de dire et avec ce qu'on peut lire dans la Bhagavad Gita. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une absolue résonance, hein, vraiment. Je suppose que c'est Pierre Hadot, peut-être. Tout à fait. Voilà. Là, ça, c'est un des. Là c'est Bouillet, c'est une autre traduction. Ouais. Mais de toute façon, l'un de mes livres préférés, c'est La simplicité de regard de Pierre Hadot. Et là, effectivement, cela me fait penser, cette idée de sculpture, hein, ne cesse de sculpter ta propre statue. C'est ce qu'on trouve donc dans les Énéades 1-6. Hein, c'est un des textes les plus beaux de Plotin, justement, sur le rapport à la beauté. C'est ce que dit exactement Giacometti. Le sculpteur qui disait « je ne fais qu'en défaisant ». Je ne fais qu'en défaisant. Et tout le propos du yogin ou de la yogini, hein, c'est-à-dire celui qui recherche la jonction, hein, ce n'est pas celui qui cherche à faire des prouesses acrobatiques, c'est même contre-productif, bien sûr. Hein, puisque là, il y a une sorte d'orgueil subtil qui s'immisce. Si l'on prend l'image du corps comme étant cette sphère, pas altérée, mais affectée, colorée par toutes les mémoires, toutes les impressions, les aversions, les passions, etc. C'est pas l'élan de la vie, hein, l'élan justement qui nous pousse à faire, qui est critiquable. Voilà, il suffit parfois. Donc, dans certaines pratiques du yoga, par exemple celle du souffle, surtout, hein, ou même certains asanas, certaines postures où l'on se pose, on déploie le corps, où on le reploie, on le met en spirale, on le fait prendre un certain déploiement ou un reploiement, c'est comme si on essorait ce que l'on appelle le corps subtil. Donc, qui est un corps évidemment invisible, mais qui est imprégné de nos tensions émotionnelles, mentales, intellectuelles, affectives, etc., etc. Et la pratique yogique qui est multimillénaire a fait ses preuves, hein, puisque on ressent très bien une sorte d'allègement, de mise en transparence, et donc, comme le dit Plotin, les coagulations, les concrétions sont déposées, se dissolvent. Et il y a une très belle image dans les textes indiens à propos de cela. C'est la glace, hein, qui peut se fragmenter. Hein, et ça, c'est notre corps actuel, hein, quand on est tendu, etc. Il va devenir eau, fluidité. Hein, c'est la même essence, en fait. Mais c'est grâce au soleil. Donc c'est grâce à l'énergie de la connaissance. Voilà, le soleil symbolise évidemment la lumière solaire, symbolise cela, qui va faire fondre ce qui était figé. Et il y a un très beau texte d'un bouddhiste qui s'appelle Asanga, voilà, qui dit justement, il faut que je le retrouve, je ne sais plus où je l'ai mis, voilà, il ne faut pas rester dans la tension, voilà, tout se joue dans la conscience. Hein. La détente du corps et celle du cœur, qui ne cesse de croître, fournissent une assise inébranlable. C'est intéressant là, parce que le Bouddha a été un yogin. Et là, on voit bien que ce n'est pas la posture figée, contrôlée, que l'on veut parfaite, qui va inciter à la détente et à la méditation, mais c'est le contraire. Oui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la masse entière des tensions, dit-il, se dissout, alors, d'instant en instant, et le corps et la conscience se deviennent assoupli au plus haut degré. À ce moment-là, le sage perçoit sa nature propre, voilà, qui prend racine dans le cœur, et cette expérience rayonne dans son visage, court le long de son épine dorsale et se répand dans tous ses membres. Sans nul besoin de discours, cela transparaît. Mmh. Et cette image, vraiment, dont parle Plotin, hein, puisqu'il dit que la beauté apparaît, transparaît, à travers lui. Et là, c'est le vrai yoga. Parce que c'est un yoga qui est spontané. Hein. Sahaja, c'est un mot-clé également de tout cet univers immense qu'est le yoga. Alors, tout le paradoxe étant de savoir comment se défaire de notre volonté, puisque ce fameux lâcher-prise auquel il faut arriver, eh bien, parfois ne se fait pas tout seul. C'est que le paradoxe, c'est qu'il faut une grande concentration, peut-être, et aussi une affaire de volonté pour céder à cette volonté et peut-être lui tourner le dos. On va prendre un exemple tout de suite. On va écouter un autre extrait de la Bhagavad Gita, au chant 6. Ce texte nous dit comment le détachement permet de connaître la réalité. Il faut qu'on précise ce que ça veut dire, hein, Colette Poggi. La posture et l'alignement du corps va être énoncé, et puis vous entendrez ensuite peut-être un contre-exemple qui montre bien qu'il ne suffit pas de vouloir essayer d'être un yogi pour y parvenir. Maintenant fermement immobile, l'alignement du corps, de la tête et du cou, les yeux concentrés sur la pointe du nez, sans laisser son regard s'égarer dans l'espace, serein face au monde, affranchi de ses peurs et suivant sans faillir la voix de la conscience, maître de sa pensée, n'ayant que moi en elle, qu'il reste intérieurement détaché, je suis le terme ultime. Dans l'excès de nourriture n'existe nul détachement, pas plus que dans le jeûne forcené. Dans l'excès de sommeil n'existe nul détachement, pas plus que dans l'excès de veille, Arjuna. C'est quand nourriture et repos sont judicieux, quand judicieuse est l'énergie dispensée dans ces actes, qu'existe le détachement propre à résorber la souffrance. C'est un état où les pensées s'arrêtent, suspendues par la pérennité de ce détachement, où, se percevant par soi-même, on est heureux en soi. Une fois qu'on s'y trouve, on ne s'écarte plus de la réalité. Bon, fais simplement le vide dans ton esprit. Respire. Qu'est-ce que je vais faire quand j'arriverai au bout de cette année? Où vais-je habiter? Pourquoi pas Chicago? Oh mon Dieu, je pourrais installer une pièce de méditation? Non, arrête de penser. Pourquoi c'est si difficile? Toi qui es vachement malin, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu veux parler de ce qui non, te donne de vapeur? Non, pas à toi, il est très clair que non. Viens avec moi ici, tu vas en parler tôt ou tard, autant que je te serve à ça. J'arrive pas à rester concentrée. Tout ce que j'ai à l'esprit, c'est ma pièce de méditation et comment la décorer. Tu te fous de moi? Tu te moques de moi ? La pièce de méditation se trouve à l'intérieur de toi, c'est ça que tu dois décorer. Tu parles toujours en slogan de t-shirt. Ouais, tout juste, et j'en ai un autre pour toi. Tu dois apprendre à choisir tes pensées de la même façon que tu choisis tes vêtements tous les matins. Ça, c'est une faculté que tu peux cultiver. Et tu viens ici avec l'obsession de contrôler ta vie. Travaille sur ton esprit, il n'y a que ça que tu devrais essayer de contrôler. Si t'arrives pas à te mettre de tes pensées, t'es pas sorti de l'auberge. Je m'y emploie. C'est toi, atterris, c'est ça qui va pas. Arrête de t'y employer, capitule. Va dans le jardin et assieds-toi. Tranquillise ton esprit et observe ce qui se passe. Qu'est-ce que t'attends pour lâcher prise ? Et voilà, on est au cœur du paradoxe, Claude Poggien. C'est un extrait du film Mange, Prie, Aime qui date de 2010. Et vous avez entendu la manière dont le prof parle au personnage principal. On pourrait très bien imaginer que c'est Krishna qui parle à Arjuna d'ailleurs. Je parle dans l'expression du paradoxe. Hein, c'est, mais arrête de vouloir tout contrôler, arrête de vouloir contrôler ta vie, etc. Lui, il dit capitule, lâche prise, mais au fond, c'est le résultat d'un travail pour lâcher prise. Donc finalement, lâcher prise semble signifier renoncer à la volonté, mais pour y parvenir, il faut beaucoup de volonté. Voilà. Alors, vous avez tout à fait raison, mais si vous parliez sanskrit... Ah bah oui, désolée. Ça va venir. Vous auriez sûrement employé divers mots pour la même idée en français, c'est-à-dire volonté. Hein, ouais. Alors, par exemple, l'idée de volonté, c'est soit la volonté farouche du moi, hein, qui veut quelque chose. Donc, je ne vais pas vous donner les mots, peu importe. Il y a un autre terme qui serait plus proche du français, une aspiration profonde à. On ressent le besoin de. Il y a d'autres termes, mais on va les laisser tomber. Mais ce que fait, pourquoi la Bhagavad Gita existe-t-elle ? Pourquoi le chant du Seigneur, hein, le chant de celui qui se donne en partage, hein, Bhaga signifiant Bhakti, la participation à. Hein. Eh bien, parce qu'il y a eu une crise, il y a eu un effondrement. On est au moment où la guerre, une guerre extraordinairement horrible, hein, va se passer. Mais cette guerre n'a pas lieu simplement pour défendre un État, un souverain, etc. En fait, c'est un combat qui se défend, enfin, qui va se réaliser sur le plan de l'ordre cosmique. C'est-à-dire que si ceux qui sont du bon côté du dharma, c'est-à-dire de la justice, perdent, sont vaincus, alors par contagion, hein, par voie de conséquence, de proche en proche, l'ordre cosmique va s'effondrer. Voilà. Donc, ce que doit faire Arjuna, c'est-à-dire mener son armée à la victoire, n'est pas simplement pour lui-même, ni pour sa famille. C'est l'ordre cosmique qui est en jeu. C'est l'ordre cosmique. Donc, il est assez engagé, disons. Oui. Mais voilà qu'il s'effondre parce qu'il a voulu considérer les choses. Et ça, c'est le yoga de la connaissance aussi. Il savait bien qui était en face de lui, qu'il devait combattre. Ça, il le savait pertinemment. Mais il a demandé à son cocher, Krishna, de le conduire au milieu, Antara, dans l'entre-deux. Il s'est donné la capacité, il s'est donné un espace-temps pour voir, considérer. Il s'est donné la permission aussi de s'écrouler, d'avoir un désarroi qui est normalement interdit aux kshatriyas, hein, de son espèce. Aux guerriers, oui. Voilà. Et c'est grâce à cela qu'il y a eu cet effondrement. Mais de ce profond désarroi de cette qui parcourt son corps, hein, puisqu'il laisse tomber son arc Gandiva, il se met à trembler, etc., va émerger une sorte d'aspiration, justement, d'intention à comprendre ce qui se passe. Parce qu'au tout début, il dit à Krishna, « Instruis-moi, je suis ton disciple. » Voilà. Et donc ça, c'est l'intention. Si vous voulez, il a compris qu'il fallait lâcher prise et qu'il s'ouvre déjà à une parole. Hein, parce que tout est dialogue ici. Hein, voilà. Et ce que l'on n'a pas dit non plus, c'est que en amont de ce texte, en fait, il y a déjà un dialogue puisque le texte est rapporté par, si vous voulez, il y a un souverain très âgé, Dhritarashtra, qui est aveugle. Donc, il ne voit pas ce qui se passe et qui demande à son propre cocher, avec toute la symbolique du cocher, hein, qui est le discernement qui conduit où il faut, qui est aussi son ami, et voilà, de lui décrire ce qui se passe. Et ce cocher acquiert alors une capacité extraordinaire, c'est d'entendre de très très loin, parce qu'ils sont sur une colline. Voilà. Voilà. Donc là, il y a déjà un dialogue, et à l'intérieur de ce dialogue et se déroule celui de la Bhagavad Gita, qui, en fait, procède tout entier d'une crise, d'un effondrement, qui suscite un appel d'air. Oui. Vous voyez, c'est comme quand on est au fond de la piscine ou de la mer et qu'on ne respire plus. Là, on goûte la première bouffée d'air pur qu'on va respirer. Et donc, voilà, c'est lâcher prise, c'est pas parce qu'il faut lâcher prise. Ça n'a aucun sens de s'imposer de lâcher prise. C'est même contre-productif, vous le dites très bien. Il faut simplement savoir qu'à un certain moment, on n'en peut plus. Mais qu'est-ce qui reste de ce texte, de ces enseignements qui sont précis, techniques, philosophiques, voire métaphysiques, si ce terme s'applique à cette... Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui reste alors de cet enseignement dans notre pratique quotidienne et courante? Depuis quelques années, le yoga est extrêmement à la mode et on parle sans cesse du lâcher prise, se foutre la paix, renouer avec son corps, etc. Et il est difficile de faire la part des choses entre ce qui relève de quelque chose qui est plus de l'ordre du développement personnel et du marketing bien qui sûr, fonctionne bien, bien sûr, et ce qui est véritablement le fruit de l'enseignement de ces textes sacrés. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la Bhagavad Gita est un des textes spirituels sûrement les plus profonds et de portée universelle. Elle l'a prouvé, évidemment. Ce qui reste, ce qu'il faut retenir, c'est que l'être humain ne peut se passer d'agir. Ça, c'est vraiment... il le dit d'ailleurs, Krishna. Ouais. Et on comprend aujourd'hui, quand on voit il y a eu Thoreau, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Vandana Shiva et bien d'autres, que Vimalathakar, ces femmes extraordinaires, qui disent en fait « accomplir, c'est s'accomplir ». Donc l'acte n'est pas du tout mis de côté comme dans d'autres écoles indiennes. Mais d'où part cet acte en moi? C'est ça en fait le problème. Oui. Où suis-je? Ça c'est où es-tu? Quel est mon espace? De quel horizon part mon regard? De quel centre? Justement le moi, la carapace qui veut paraître, ou le je suis? D'où part cette action? C'est ça, c'est pas qui suis-je, mais où suis-je? Voilà, où suis-je? Et ce n'est pas faut-il agir, mais comment agir? Ça, c'est très différent. Et ça fait quelques années, évidemment, que je m'intéresse à tout ça. Dans l'esprit ce passage, ce quatrain merveilleux de T.S. Eliot, quand il parle du point repos du monde qui tourne. Et je pense que c'est ça, en fait, qu'il faut retrouver en soi, une sorte de dimension fluide. Je vais vous lire ce petit passage. Où agir et non agir n'ont pas de sens, finalement. Oui. L'un n'existe que par l'autre. C'est-à-dire que c'est comme lorsqu'on marche, il y a un déséquilibre constant, mais on se laisse aller. On ne va pas à chaque instant maîtriser chaque cellule du muscle, etc. Voilà ce qu'il dit. Au point repos du monde qui tourne, ni chair, ni privation de chair, ni venant d'eux, ni à l'envers, au point repos, là est la danse. Parce que je pense que la danse est une excellente métaphore justement de cet agir, non agir dans le lâcher prise. Mais ni arrêt, ni mouvement, ne l'appelez pas fixité. Passé et futur s'y marient. Non pas mouvement d'eux ouvert, non pas ascension ni déclin, seulement le point repos. Il n'y aurait nullement danse s'il n'y avait ce point, alors qu'il n'y a rien que danse. Voilà. Et c'est à cette danse de la vie, ici évidemment c'est un lieu un petit peu déconcertant pour un enseignement spirituel, un champ de bataille. Oui. Être au cœur d'un champ de bataille entre deux armées. Mais là aussi, la métaphore est très parlante. La métaphore est très parlante. Ça veut dire que peut-être sommes-nous toujours en guerre, c'est ce que semblait dire Marc Balanfa aussi, y compris avec nous-mêmes. Alors, Marc Balanfa avait tout à fait raison. Et non seulement cela, mais Abhinavagupta, donc quelques siècles plus tard, commente ce propos et il dit qu'en fait, c'est une métaphore de notre corps. Puisque déjà, le char conduit par les chevaux est une métaphore du corps. Je crois que les invités des jours précédents l'ont parlé, mais je vais le répéter. Allez-y. Le char est conçu comme un socle carré qui représente la terre et donc le corps physique. Ensuite, il y a un axe central qui part et qui est couvert d'un dais. Et ce dais demi-sphérique que représente le ciel. Et cet axe qui relie la terre et le ciel n'est autre en réalité que notre axe médian, l'axe vibratoire qui part de la base et qui s'élance jusqu'en haut, qu'on appelle en sanskrit Sushumna. Et c'est un mot extrêmement intéressant puisqu'il signifie mna, mnésique, ce dont il est éminemment bon de se souvenir, sous-mna. Donc il faut se souvenir de cet axe, c'est ça yuj, être relié. Donc yuj, je rappelle, c'est la racine de l'étymologie de yoga. Yuj yoga, signifie s'unir, yoga, se rejoindre. Voilà, attelage. Voilà. Donc il y a l'archer, Arjuna, qui symbolise là l'âme. L'âme qui, à la mort, à sa propre mort, comme lorsque le char va se désintégrer, reprendra un autre véhicule. Mais devant lui se tient le cocher, qui représente l'intuition, le discernement intuitif. Et ça, c'est vraiment une fonction de l'esprit, de la conscience, de l'être humain, qui est extrêmement mise en valeur, en lumière, dans tous les texte de philosophie du yoga comme le Samkhya. Mais d'ailleurs, chez Platon également, on trouve cette métaphore des chevaux qui doivent être coordonnés par un attelage. Voilà. Et c'est à l'image du psychisme humain, au fond. Donc, le cocher, c'est l'intuition et généreuse conception de l'homme. Pour l'Inde, l'homme sait. Il sait déjà. Il sait quoi ? Il sait ce qu'il est, il sait ce qui est à faire, mais il l'oublie. Voilà, c'est un oubli. Donc, il faut une anamnèse, une catharsis, etc. Le cocher, donc, tient les rênes, qui sont la pensée. Et, évidemment, les chevaux sont les fougueux organes des sens qui vont dans le champ, qui est le champ des objets. Donc là, on a toute une métaphore, on pourrait dire, intégrative de l'être dans toutes ses dimensions. Voilà. Et donc, la vie est faite de mouvements physiques, de mouvements verbaux, la parole est un mouvement, et de mouvements mentaux. Donc, en réalité, ce champ de bataille dont parle la Gita, certains grands maîtres comme Abhinavagupta les commentent comme en fait le champ de notre existence. L'existence est forcément faite de consonances et de dissonances. Aucune existence n'est parfaitement harmonieuse. Sinon, on ne serait pas des êtres humains, mais nous serions des dieux. Et par bonheur, sur la terre, dans cet entre-deux entre enfer et ciel, il y a à la fois bonheur et malheur, souffrance, désespoir et émerveillement, enthousiasme. Et c'est grâce à cette alchimie des deux que l'on peut obtenir la délivrance, qui est quand même le mot-clé. Qui est le but ultime. Voilà, c'est le but ultime. Parce que les dieux ne sont que des hommes qui ont fait de très bonnes ascèses et qui se la coulent douce au paradis, mais ils ne peuvent pas atteindre la délivrance. Donc l'aiguillon du désespoir, l'aiguillon de l'anxiété, de l'angoisse, en fait, sont indispensables pour nous faire avancer sur le chemin. Ça ne veut pas dire qu'on est maso, mais ça veut dire que, d'ailleurs on l'a vécu, pourquoi a-t-on commencé telle pratique ? Très souvent, parmi mes élèves et même moi-même, c'était pour me connaître moi-même, et si je voulais cela, c'est parce que j'en avais besoin. Voilà. Et ça c'est vraiment important de comprendre donc, qu'il y a une incitation grâce à un germe d'entropie, de désordre, de chaos, qui est le fait de l'univers entier, de la vie, de notre existence. Mais il n'y a jamais de chaos sans un germe d'ordre et d'harmonie. Et le contraire, pareil, il n'y a jamais harmonie sans qu'il y ait un germe de désagrégation. Voilà. Et donc, tout se passe comme si la mise en présence de ces deux forces mettait en chemin, comme justement l'équilibre et le déséquilibre dans la danse. Hein, la contraction, la... Mais si le but ultime, c'est la délivrance et donc l'extinction, au fond, le fait de délivrance de quoi? De notre existence humaine et terrestre. Bah, c'est-à-dire que le but, c'est la mort, au fond. Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut préciser, en effet. Alors, la philosophie indienne... Ce qui ne fait pas très envie. Comment? Ce qui ne fait pas très envie. Enfin, non, tout ça, est-ce que c'est pour finalement mourir? On va mourir de toute façon. Voilà. Mais donc. Ça, c'est un élément... de l'interprétation. Mais sur les millénaires que connaît la pensée indienne, ses réflexions, sa spéculation, il y a plusieurs éléments. Et la délivrance n'est pas forcément la mort. La délivrance, c'est simplement poser à terre cette carapace du moi et de l'agir par profit, hein, avec une intention intéressée, qui, en réalité, nous empêche de nager avec fluidité dans l'océan de la vie. Voilà. On pose ça, donc on peut être délivré vivant. Ça existe tout à fait. Hein. Jivan Mukta. Jiv, c'est vivre, Mukta, délivré. Et à ce moment-là, par exemple, l'un des symboles qui représente, avec à mon sens, le plus de pertinence et de suggestion, cet état, c'est la danse de Shiva Nataraja. Mm-hmm. C'est-à-dire que la vie... ne doit pas se terminer, hein, pour atteindre la délivrance, mais elle doit simplement être dans le courant, dans le rythme. Voilà. Simplement, comme vous dites, même si c'est simplement. Sans doute le résultat du travail d'une vie. Merci infiniment, Colette Poggi, d'être venue ce matin nous parler. C'était un plaisir. Du yoga, plaisir partagé. Donc, on l'a bien compris comme une voie vers la connaissance qui nous conduit vers la réalité. La Bhagavad Gita, on peut la lire dans plusieurs traductions. Hein, j'en cite plusieurs depuis le début de la semaine. Celle sur laquelle vous travaillez, avec laquelle vous travaillez, se trouve aux éditions Arléa. Et j'ai plaisir à citer aussi les éditions Diane de Sellier qui propose la Bhagavad Gita dans la traduction de Marc Balanfa, qui était mon invité lundi dernier, illustrée par la peinture indienne. C'est un livre magnifique. On mettra les références en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. On a commencé avec Elvis Presley, on se quitte avec Elvis Presley et son cours de yoga. Well, I can see that you and yoga will never do. Yoga is as yoga does. There's no in between. You're either with it on the ball or you've blown the scene. I can see looking at you, you just can't get settled. How can I even move, twisted like a pretzel? Yoga is as yoga does. There's no in between. You're either with it all the way or you've blown the scene. Or you've blown the scene. Come on, come on, I twist my legs, pull my arms a lot. How did I get so tied up in this yoga knot? You tell me just how I take this yoga serious, when all it ever gives to me is a pain in my posteriors. Yoga is as yoga does. There's no in between. You're either with it all the way or you've blown the scene. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, on passe d'Elvis Presley à Aurélien Bélanger. Et oui, c'est la marque de fabrique de la maison, Aurélien Bélanger, grand yogi s'il en est, et qui vient tous les jours nous proposer sa question philo. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je vous demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle, j'éteins mes bâtons d'encens et je suis prêt. J'en suis sûre. Votre question aujourd'hui, la voici, elle est quand même métaphysique. Quelle est la grande leçon métaphysique de Super Mario? Eh bien, mon Super Mario préféré, c'est Super Mario 3D World et il vient de ressortir sur Nintendo Switch. C'est un vrai bonheur d'y rejouer, d'autant qu'il y a 6 ans, sur Wii U, j'y jouais avec ma fille et qu'elle a maintenant un frère et une sœur. Jamais le mode multi d'un jeu ne m'a donc paru si prometteur. D'autant que la transformation que Super Mario 3D World avait inaugurée en 2003 permet de multiplier encore les joueurs. Il s'agit de la cerise qui dédouble son personnage. On se retrouve à jouer avec 1, 2, 3 ou 4 Mario. Expérience fascinante, notamment au niveau 6C. Ah bon ? Alors qu'est-ce qui se passe au niveau 6C ? Eh bien, au niveau 6, c'est Globulobos voie rouge. C'est le nom du niveau. Globulobos, c'est un magicien en ballon argenté, une sorte de créature à la Jeff Koons, dont l'attaque principale consiste à éclater en une multitude de ballons sur lesquels, tâche fastidieuse s'il en est, il nous faudra sauter pour venir à bout du magicien gonflable. C'est là que les cerises interviennent, les cerises qui nous dédoublent, comme on devait autrefois se mettre à plusieurs pieds nus pour écraser le raisin. Mais les cerises ubiquistes jouent également un rôle important dans tous ces mondes, dont les planchers clignotent, s'annulent ou rétrécissent, en multipliant simplement ses chances de ne pas tomber. Ils partirent 3000 et ils arrivèrent quand même 500. Et c'est là que je me suis demandé s'il existait un nombre minimal d'itérations du Mario cerise qui nous rendent invincibles. Ça tombe bien, l'expérience existe. C'est en tout cas de façon très proche qu'on apprend aux machines à jouer à Super Mario en lâchant dans leurs réseaux neuronaux des milliers de Mario successifs, charge à elles, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond, d'apprendre à ne pas tomber. D'apprendre à ne pas tomber, mais pas à la façon d'un joueur qui compte ses vies, mais en acceptant au contraire d'en sacrifier des centaines, des milliers, de tester toutes les combinaisons de sauts possibles jusqu'à trouver celle qui conduit Mario miraculé au drapeau final. Donc on secoue les branches de l'arbre et on fait tomber toutes les cerises, c'est ça ? C'est exactement cela. Et c'est pas tout à fait éloigné pour passer les cerises aux branches de ces interprétations de la physique quantique en termes de monde possible. Les particules vivent leur vie de Mario cerise, et si on les voit jamais tomber, c'est qu'elles tombent dans d'autres mondes, donnant à celui-ci cette impression de perfection, une course en haut des crêtes. Bizarrement, et je reviens à ma passion pour le mode multi en famille, avoir des enfants, devoir prendre soin d'eux, m'a fait me souvenir de cela, cette expérience adolescente qu'on a tous eue d'avoir été cueillis par le hasard sur les crêtes du néant. Je me suis ainsi retrouvé sur les trottoirs, c'est vrai, un peu étroits de Paris, comme ce philosophe de Pascal exagérant jusqu'au vertige les dimensions de sa planche, le plus grand philosophe du monde, on le sait, sur une planche plus large qu'il ne faut, s'il y a au-dessous un précipice, quoi que sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. J'avais, tout bêtement, peur que mes enfants tombent. Pire, je les voyais tomber, les pauvres Mario Cerise. Mais heureusement, s'ils tombaient, c'était dans d'autres mondes ou dans Mario 3D World, bien sûr, car mes enfants sont bien sûr des joueurs catastrophiques. Et ben donc ce serait cela la grande leçon métaphysique de Mario, pour répondre à votre question, que le pire n'est pas le plus probable. Exactement, le pire n'est pas le plus probable, à condition de saturer en imagination tous les mondes possibles environnants de catastrophes. Alors ce monde, un peu univoque, sinon tragique, pourra se mettre à apparaître comme une sorte de miracle, de partie parfaite au milieu du grand néon dangereux, d'une confiture de monde, une confiture acide, comme le sont toujours celles à la cerise. Le néon ou le néant ? Le néant, j'ai ma langue. Mais j'adore ce lapsus, le néant, peut-être que le néant est le signe du néant. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. En tout cas, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Chemin de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission en position Lotus, évidemment. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Jules Barbier, Laure Blanqui, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger et Laurence Malanda qui ont préparé et réalisé cette semaine à la lecture des textes Bernard Gabet. À la prise de son aujourd'hui, vous l'avez évidemment reconnu, c'était Jean-Guilain Meige. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de la Bhagavad Gita. Demain, on se demandera si cette œuvre est véritablement une œuvre universelle. La réponse, désolé de divulgâcher cette réponse, et oui, et ce sera Raphaël Voix qui, depuis Pondichéry, nous expliquera pourquoi. Voilà, on se retrouve donc demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site des Chemins de la Philosophie, bien sûr, ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram. On est ravis de répondre à vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. France Culture, l'esprit d'ouverture.